Chapitre 17e. Le jour qui succéda à cette nuit si malheureuse m'apporta de consolantes nouvelles. Avant midi, je reçus de Rosenberg une lettre que d'abord je ne voulus pas lire. Le seul Després était chez moi quand on me la remit. « Tenez, Dumont, voilà une écriture que je reconnais. Faites-moi le plaisir de porter à Madame de B. cette lettre. Dites-lui que je ne veux pas l'ouvrir et qu'elle peut en disposer à son gré. » Dumont partit pour revenir un quart d'heure après. Madame la marquise me faisait prier de la venir voir un moment. J'arrivai chez elle avant de m'être aperçu que j'avais 3 étages à monter, et je me serais probablement brisé la tête contre les lambris de son nouvel appartement si l'on avait pris plusieurs fois la peine de m'avertir que je me trouvais dans un grenier. Je ne voyais que Madame de B., sa tristesse, son abattement, sa pâleur. Je lui demandai comment elle avait passé la fin de la dernière nuit. « Hélas, dit-elle, comme j'en passerai désormais beaucoup d'autres. » Et me présentant un papier baigné de larmes, elle ajouta « Voici la digne épître de mon lâche persécuteur. Mon ami, j'ai pu la parcourir une fois. Je ne pourrai l'entendre encore. Lisez, lisez tout haut. Tout haut. Ce sera de votre part une cruelle complaisance, mais je l'exige. Permettez. Faublas. Accordez-moi cette dernière grâce. Cependant, chevalier, je le veux. Respectez enfin votre maître, mon cher Faublas. Hier, vous l'avez vu frapper un grand coup, méditer depuis plus d'un mois. Lisez et admirez. Dans ma retraite, j'apprends que le jour de votre mariage, un inconnu est venu au temple se donner en spectacle. Quelque temps après, vous-même m'écrivez qu'un revenant, à la fois discret et familier, vous rend des visites intéressées. Moi, qui connais bien l'entreprenante marquise, je conjecture, je soupçonne et je m'informe. Bientôt, je sais, et je me garde bien de vous dire que Madame de B. a disparu le jour même de votre fuite. Il devient certain pour moi qu'elle est avec vous et que vous l'ignorez. On n'oublie pas aisément les torts d'une femme. Depuis 10 mois, j'avais sur le cœur sa piquante infidélité. « Mon infidélité ? » s'écria la marquise, « comme si jamais le fat, l'insolent. » Mais continuez, mon ami, continuez. J'entrevis le moyen de m'assurer une vengeance complète et douce, autant que difficile. Je me hâte de guérir et je prends la poste. Pour amener la galante catastrophe, il a fallu vous enivrer un peu, mon ami. Je me suis vu forcé d'employer cette petite ruse innocente que sans doute vous me pardonnerez. Faublas, par un juste décret du sort, Madame de B. revient à son premier maître. À son premier maître ? Interrompit Madame de B. « Cela n'est pas vrai. » Un adroit voleur s'était depuis 6 mois établi chez moi. Je l'en ai chassé par surprise, ne pouvant employer la force, et je suis rentré dans mon bien. Chevalier, soyez l'unique possesseur du vôtre. Sophie attend son libérateur. Madame de Faublas gémit renfermée dans le couvent de X, Faubourg Saint-Germain, à Paris. Vous devinerez pourquoi je n'ai pas voulu vous apprendre hier cette importante nouvelle. Allez, mon ami. Déguisez-vous, courez à la capitale, et quand vous embrasserez votre charmante femme, n'oubliez pas de lui dire qu'elle doit au comte de Rosenberg le plaisir de vous avoir si tôt revu. Je suis votre ami, etc. Ma femme, au couvent de X, à Paris, m'écriai-je, en finissant la lecture de cette lettre. Mon ami, voyez comme je suis heureux. Cruel enfant, me répondit-elle, avec un mouvement passionné qui exprimait son amour et son désespoir. Cruel enfant, c'était donc vous qui deviez me porter le dernier coup. Allez, mon cher Faublas, à travers 1000 périls, cherchez cette jeune Sophie dont la beauté m'a coûté tant de larmes. Oh, destinée vraiment bizarre. Je dois aujourd'hui, pour vous réunir, prendre autant de soins qu'autrefois, je me donnais de tourments pour vous séparer. L'inquiète amitié, n'en doutez pas, veillera sur l'amour inconsidéré. Je vais, autant qu'il me sera possible, écarter les dangers dont je vous vois environné et préparer les beaux jours qui vous sont promis. De toutes les précautions, la première et la plus nécessaire est celle de votre travestissement. Je me charge de tous les apprêts de votre départ. Le mien, dont l'heure était fixée, sera remis à demain à cause de vous. Quittez-moi, mon ami. Dites à Després qu'il monte me parler. Attendez-moi dans votre chambre au milieu de la nuit prochaine. Elle s'y rendit en effet, et pour cette fois, elle entra par la porte. D'abord, elle me fit ôter mon habit, et d'un petit paquet mystérieusement ouvert, elle tira une grande robe noire dont je me vis aussitôt affublé. une bâtisse menteuse avec art disposé, parut recéler le trésor d'un saint pudique et naissant. Sur mon modeste front, déjà couvert d'un bandeau blanc, vint retomber encore un voile clair et léger, à travers lequel mon timide regard allait cherchant celui de l'officieuse amie qui me déguisait. Comme je la vis rougir et se troubler, qu'avec peine et plaisir je l'entendis étouffer un soupir douloureux et tendre, que deux fois ses yeux mouillés de larmes se baissèrent pour éviter la rencontre des miens, que deux fois sa main tremblante s'arrêta sur quelque partie de mon ajustement qui jamais n'allait assez bien, et moi, pour qui cette main si jolie n'était pas encore assez lente, moi, qui doucement penché sur mon intéressante amie, jouissais en silence de son émotion délicieuse à mon cœur, comme je me sentis pressé du vif désir d'éteindre mon ardeur et ses regrets dans un dernier embrassement. Oh, ma Sophie! Dans aucun moment de ma vie, ton souvenir ne me fut plus nécessaire à ma vertu chancelante, et même je dois, pour m'en punir, l'avouer franchement, si j'avais été bien intimement persuadé que Madame de B, non moins faible que moi, enfin, je n'essayais pas de m'en convaincre, et tu dois, ma charmante femme, me savoir quelque gré de n'avoir pas mis à cette rude épreuve le courage de la marquise et la fidélité de ton époux. Madame de B, quand elle vit qu'il ne manquait plus rien à mon déguisement, ne put retenir quelques larmes et d'une voix faible me dit « Adieu, partez, rentrez en France, volez à Paris. Dans 2 heures je vous suis, 2 heures après vous j'entre dans la capitale. Faublas, nous allons arriver pour ainsi dire ensemble. La même ville va nous renfermer, et cependant nous ne nous verrons plus. Ah, du moins je veillerai sur vous. Je préviendrai le péril ou je l'écarterai. Ma tendresse inquiète. Vous verrez si je suis véritablement votre ami. Chevalier, descendez rue de Grenelle Saint-Honoré à l'hôtel de l'Empereur. Vous n'y resterez qu'un moment. Il y viendra de ma part quelqu'un à qui vous pourrez donner toute votre confiance. Chevalier, écoutez ses avis. Conduisez-vous par ses conseils. Surtout, ne faites pas d'imprudence, je vous en supplie. Vous n'avez plus qu'un moyen de me récompenser de mes soins. C'est de n'en pas détruire l'effet par de folles témérités. Que nous m'est-il permis de vous accompagner sur la route et de partager les dangers qui vous y attendent, peut-être? Tenez, mon ami, à tout hasard, prenez vos pistolets. Quant à ce meuble, ajouta-t-elle, en me montrant mon épée pendue au chevet de mon lit, ce ne peut jamais être celui d'une religieuse. Permettez-moi de me l'approprier. J'allais la détacher et la lui présentais. Elle la saisit avec transport, la tira promptement, parut prendre plaisir à considérer sa fine trempe. Puis, l'ayant remise dans le fourreau et s'étant emparée de ma main qu'elle serra avec une force dont je ne l'aurais pas cru capable, « Grand merci, » me dit-elle, du ton le plus véhément, « je serai digne de ce présent. » Sans attendre ma réponse, elle me conduisit vers l'escalier que nous descendîmes en silence. Sans bruit, nous traversâmes le jardin dont la petite porte s'ouvrit dès que nous parûmes. Je vis une chaise de poste qui m'attendait. Je voulus remercier la marquise. Plusieurs baisers me fermèrent la bouche. J'espérais au moins lui rendre ses tendres caresses. Mais, plus prompte que l'éclair, elle s'arracha de mes bras, ferma la porte sur elle et me fit entendre un dernier adieu. Je partis. Je partis pour te rejoindre, ma Sophie. Mais combien de malheurs, que d'ennemis et de rivales devaient encore retarder le moment de notre réunion. Il était à peu près 5 heures du matin. Nous entrâmes à la pointe du jour sur les terres de France. Tout homme qui voyage dans un pays où il s'est fait une fâcheuse affaire imagine que quiconque le regarde le reconnaît. Il lui semble impossible que son inquiétante aventure, écrite sur son front, ne soit pas lue de chaque passant. D'ailleurs, il était tout simple qu'une religieuse, courant la poste, fut curieusement remarquée. Voilà ce que je me dis à moi-même, aux environs de Longwy, première place frontière, où je crus m'apercevoir que j'étais observé. Mais la réflexion m'ayant rassuré, je me livrai aux trompeuses douceurs d'un sommeil hélas trop court. À quelques centaines de pas, ma chaise fut environnée. J'ouvris les yeux au bruit que produisirent les portières brusquement ouvertes. Avant que j'eusse le temps de me reconnaître, on se précipita dans la voiture, on me saisit, on me lia. Les archers trop respectueux ou trop inattentifs, soit qu'ils eussent un reste de considération pour mon sexe ou pour mon habit, soit qu'ils s'imaginassent ne devoir rien craindre d'une religieuse qu'apparemment ils ne croyaient point armée, ne me fouillèrent pas. Mais la troupe sacrilège osa souiller ma sainte étamine en l'enveloppant d'un manteau guerrier, et ne craignit pas de cacher mon voile béni sous une toile grossière et profane. Leur chef s'assit cavalièrement près de moi. Le postillon eut ordre d'avancer. Où me conduisait-on? Apparemment sourd et muet, le discret satellite qui veillait sur moi n'était pas plus touché de mes questions que de mes plaintes. L'espèce de serviette dont ma tête restait enveloppée ne me laissait parvenir qu'une lumière trop faible pour que je pusse rien distinguer. Seulement le bruit d'une cavalcade frappait mon oreille, et j'en augurais très raisonnablement que, pour ma plus grande sûreté, des soldats m'escortaient. Une fois même, tandis que la troupe, un instant arrêtée, prenait vraisemblablement des chevaux frais, j'entendis quelqu'un prononcer distinctement le nom de Derneval et le mien. Où me conduisait-on? La maudite voiture allait toujours et nous n'arrivions pas. Depuis, j'ai calculé que nous avions fait route pendant 36 heures à peu près. 36 siècles ne paraîtraient pas plus longs. Que d'affreuses inquiétudes m'agitaient. À quelles réflexions j'étais livré. Je me voyais environné de juges. J'entendais prononcer l'arrêt terrible. J'apercevais le fatal échafaud. Quelle situation! Ce n'était pas pour moi seul que je frémissais. Non, mon père, je songeais à cette lettre que j'avais laissée pour vous sur ma table et dans laquelle je vous promettais de revenir bientôt. Hélas, peut-être votre fils ne devait plus vous embrasser. Ce n'était pas pour moi seul que je regrettais la vie, non. Ma jeune épouse, non. Je songeais à tes appas encore naissants, à notre hyménée si court, à nos doux liens si tôt rompus. En supposant que ma déplorable fin n'entraîna pas ta fin prématurée, du moins, j'en étais sûr, tu resterais fidèle à ma mémoire. Jamais personne n'aurait à se glorifier du bonheur d'avoir épousé la veuve de Phoblas. Oh, ma Sophie, je m'attendrissais sur le sort d'une enfant de 15 ans, condamnée aux ennuis d'une viduité qui pouvait durer plus d'un demi-siècle, et réduite à regretter si longtemps les rapides plaisirs de 2 nuits. Enfin, nous arrivâmes. On me descendit, on me porta. Je ne pouvais deviner où. Je ne pouvais, à travers la toile dont mon visage était couvert, et dans les ténèbres de la nuit, examiner les lieux. Au défaut de mes yeux, j'exerçais mes oreilles. J'écoutais avec autant de curiosité que d'inquiétude. J'entendais le fracas des portes, le bruit des verrous, le cri des grilles, la marche prompte de plusieurs personnes accourues de divers côtés. L'endroit où l'on me déposa me parut humide et froid. Je fus assis dans un immense fauteuil de bois. Assez loin de moi, l'on murmurait quelques mots qu'il m'était impossible d'entendre. Mes oreilles étaient seulement frappées de cette espèce de gémissement sourd et prolongé que produit dans un lieu vaste, ordinairement solitaire, le bourdonnement inaccoutumé de plusieurs voix réunies. Quelqu'un s'étant approché de moi, se pencha à mon oreille et d'un ton fort doux m'adressa ces paroles, en même temps consolantes et terribles. « Grand Dieu, qu'allez-vous devenir? Pourrais-je vous sauver ?» L'instant d'après, j'entendis le son d'une cloche funèbre. Il me sembla que beaucoup de gens entraient ensemble et m'environnaient. Au tumulte, brouhaha d'une grande assemblée, succéda tout à coup un profond silence qui dura quelque temps. Mon âme s'en émut, mon imagination travailla, je ne sais quel sentiment jusqu'alors inconnu. Eh bien soit, je l'avoue, j'eus peur. Une voix grêle rompit enfin l'effrayant silence et m'ordonna de dire un Ave Maria. Un Ave Maria ! 3 fois, je me fis répéter cet étrange commandement, et 3 fois, ma langue embarrassée refusa d'obéir. Je ne pus, dans mon trouble extrême, me rappeler une syllabe de l'oraison demandée. Quelqu'un l'entonna, qui me le fit répéter mot pour mot. Ensuite commença le court interrogatoire dont voici l'exact procès-verbal. « D'où venez-vous ? Que sais-je ? Demandez-le à ceux qui m'ont amené. Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes sorti d'ici ? Ici ? Je n'y suis peut-être jamais venu. Où suis-je ? N'avez-vous pas séduit Mademoiselle de Pontis ? Mademoiselle de Pontis ? Oh, Sophie ! Oui, Sophie de Pontis, vous la connaissez ? J'ai entendu parler d'elle. Si je l'avais connue, je l'aurais adorée et non séduite. Connaissez-vous le chevalier de Phoblas ? Ce nom-là est venu jusqu'à moi. Derneval, le connaissez-vous ? Non. » Ce nom, répété par plusieurs voix, circula dans l'assemblée. « Ne vous appelez-vous pas Dorothée ? Non. » Celui-ci fit encore plus d'effet que l'autre. La voix qui m'interrogeait reprit. « Qu'on lui ôte cette serviette et qu'on lève son voile. » L'ordre aussitôt s'exécute, et quel spectacle vient m'étonner. Devant un autel, sur un banc circulaire qui m'enveloppe en son vaste contour, sont rangés à la file plus de 50. Mes yeux ne se trompent-ils pas? Non, ce n'est pas un rêve de mon imagination égarée. Plus je regarde, et plus je vois que 50 religieuses sont là qui m'examinent. Je les entends même s'écrier en chœur. « Ce n'est pas elle !»« Ce n'est pas elle !» répéta celle qui semblait présider l'assemblée. « L'affaire est embarrassante, » continua-t-elle après un moment de réflexion. « Il faut en écrire dès ce soir à nos supérieurs. Demain, nous recevrons leur réponse. En attendant qu'on la mette au cachot et que l'une de nos sœurs veille auprès d'elle. » Quatre jeunes professes me saisirent et m'emportèrent. Je n'avais garde de résister. J'étais lié, d'abord, et puis je trouvais la voiture assez douce. D'ailleurs, toutes ces femmes me suivaient. Moi, je prenais plaisir à les regarder. Dans le grand nombre de ces visages féminins, j'en voyais de très respectables pour leur forme et de très précieux par leur antiquité. Ils s'en trouvaient de toutes les couleurs, blanc, gris, jaune, vert, plus ou moins foncé. Celui-ci était commun, celui-là singulier, cet autre ridicule. Mais aussi, du coin de l'œil, j'en lorgnais de si nouveaux, de si jolis. Cette vue achevait d'éloigner les idées funestes qui tout à l'heure portaient l'épouvante au fond de mon âme, et quoique ma situation fût encore inquiétante, ma foi, je n'y songeais plus. Que voulez-vous? Je suis ainsi fait. Dans aucune circonstance de ma vie, quelque embarrassante que vous l'imaginiez, je n'ai pu voir de près plusieurs femmes ensemble sans avoir de longues distractions. Cependant, on me promenait, à la clarté des flambeaux, dans un long souterrain au bout duquel je vis une chapelle. Tout auprès, on ouvrit une chambre qui n'avait d'un cachot que le nom. C'était une espèce de cellule où se trouvait un lit sur lequel on me posa. Une lampe fut allumée. On fit donner une chaise à la sœur Ursule, à qui les vénérables, en s'en allant, recommandèrent de prier religieusement près de moi jusqu'au lendemain. Ô mon étoile, grâce te soit rendue. De tous les jolis visages que j'avais distingués, celui d'Ursule était le plus charmant. Quel teint, quel éclat, quelle fraîcheur, que de douceur dans son regard timide, que d'innocence sur son front ingénu. À moins qu'on y rencontre ma Sophie, on ne voit pas de ces figures-là dans le monde, et du jour que dans les bras de son heureux amant, mademoiselle de Pontis devint la plus belle des femmes, Ursule dut être proclamée la plus jolie des filles.